art therapy. Ooh, art therapy. Même si tout le monde est sa méthadone, on peut pas. Ok, on recommence, excusez. Même si tout le monde est sa méthadone, pas besoin de se geler pour triper ici. Sûrement quelqu'un qui connaît quelque chose qu'on pourrait tout chanter ensemble. À force de faire semblant qu'on se fait du fun, on va bien finir par se croire entre nous autres. À force de faire semblant qu'on se fait du fun, on va bien finir par se croire entre nous autres. Pour notre premier partez en désintox. Partez en désintox. Partez en désintox. Partez rapi. Partez rapi. Même si personne n'a le droit de boire, pis qu'on a tout arrêté de fumer, y'a sûrement quelqu'un qui connaît un jeu qu'on pourrait tout jouer, participer. À force de faire semblant qu'on se fait du fun, on va bien finir par se croire entre nous autres. À force de faire semblant qu'on se fait du fun, on va bien finir par se croire entre nous autres. Pour notre premier partez en désintox. Partez en désintox. Partez en désintox. Party rapi. Party rapi. Party rapi. Oh, party rapi. À force de faire semblant qu'on se fait du fun, on va bien finir par se croire entre nous autres. À force de faire semblant qu'on se fait du fun, on va bien finir par se croire entre nous autres. À force de faire semblant qu'on se fait du fun. À force de faire semblant qu'on se fait du fun. Yeah! Wiiou! Voilà. Part therapy. Je pourrais en faire une petite phonée pour terminer. Question de laisser un bon souvenir de moi.